Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la disparition du bison au 19e siècle. Vous avez un certain commerce aux États-Unis aussi bien qu'au Canada où on recherchait les peaux de bison. Hein? Plus vous avez des massacres pour rien, du bison. Vous avez le chemin de fer, les feux de prairie, etc. qui ont affecté les troupeaux de bison aussi. L'historien André Lalonde à l'émission « Le matin de la fête » en octobre 1985 cite plusieurs facteurs ont contribué en effet à la disparition du bison. Tous ces facteurs ont en gros un même point commun, la présence de l'homme et la plupart du temps, la présence de l'homme blanc. Le 19e siècle sera véritablement celui de la disparition du bison. En moins de 100 ans, on aura presque complètement exterminé le bison des grandes plaines de l'Ouest. Et avec la disparition du bison, c'est aussi tout un mode de vie qui va disparaître dans les populations amérindienne. Aujourd'hui, le bison n'est plus dans les plaines de notre continent. En 1600, le nombre des bisons en Amérique atteignait 50 millions de bêtes sur un territoire allant du Mexique au Yukon et des Rocheuses à l'Atlantique. Cet animal robuste, grégaire, pas très rusé, n'avait de prédateur que le grizzly et l'homme. L'homme, son ennemi le plus redoutable, qui deviendrait son bourreau. L'anéantissement du bison est un chapitre ignoble de l'histoire du Nouveau Monde. Les peuplades indiennes en dépendaient étroitement, tout dans l'animal pouvait servir. En 1800, trois quarts des bisons en Amérique étaient disparus. 85 ans plus tard, le dernier grand troupeau des plaines, 75 000 animaux, tomba sous les fusils. Extrait de l'émission « Reflet d'un pays » diffusé en 1977 pour nous raconter cette page assez peu glorieuse de notre histoire que représente vraiment cette entreprise de massacre du bison des plaines. Mon invité Frédéric Bastien, qui est professeur d'histoire au Collège Dawson à Montréal. Frédéric Bastien, bonjour. Bonjour. C'est vous, Frédéric, qui nous avez proposé de faire une émission sur ce sujet. Pourquoi? Pourquoi une émission sur la disparition du bison? Ben, je dois confesser que j'ai toujours eu un intérêt pour l'histoire de l'Ouest américain et canadien. Et évidemment, le bison joue un rôle extrêmement important. Et je ne connais pas un animal qui ait pu se reproduire et atteindre une telle population. Mmh. Et qu'en l'espace de quelques décennies, on soit passé de ces dizaines de millions de bisons à quelques centaines ou peut-être quelques milliers d'individus qui ont... In extremis survécu. Ouais, et c'est au fond c'est devenu presque un symbole le bison. Il est très fort en tout cas l'image du bison, même si à un moment donné il en restait presque plus. Elle est très forte dans notre imaginaire et le bison il est intimement lié à cette histoire de l'Ouest américain et canadien en fait. Oui, absolument, parce que le bison, d'abord, c'était l'espèce qui permettait aux Amérindiens de vivre, les Amérindiens de l'Ouest, devrais-je dire. Et ensuite, c'est une espèce qui a beaucoup intéressé l'homme blanc, qui a commencé à le chasser avec les Amérindiens. C'est comme ça que... Même les gouvernements, à un moment donné, qu'on le verra dans l'émission, mais vont utiliser, au fond, le bison, la menace de disparition du bison dans leurs négociations avec les Amérindiens. Oui, absolument. Le bison va devenir un enjeu politique absolument lié à la question du statut des Indiens de l'Ouest, autant aux États-Unis qu'au Canada. Ouais. Et donc, cette espèce-là va jouer un rôle extrêmement important dans ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest, tant aux États-Unis qu'au Canada. On l'entendait dans l'extrait, Frédéric Bastien, mais on a souvent l'impression, on associe souvent le bison aux seules plaines de l'Ouest. Non, à une certaine époque, il est vraiment partout, sur tout le continent, d'Est en Ouest, là. Oui, absolument. Il y avait des bisons, ça allait jusqu'au Mexique, dans le nord du Mexique, ça allait jusqu'au nord des plaines canadiennes, au Yukon, comme ça a été mentionné, des Rocheuses, et ça allait même dans les Appalaches, et même, si je ne me trompe pas, il y avait des bisons en Caroline du Nord, du côté est des Appalaches, à certains endroits, au tout début de la colonisation européenne. Ils sont rapidement disparus de ces endroits-là, les plus à l'est, où on les voyait. Mais c'était une espèce, effectivement, qui avait... une population extrêmement grande et qui s'étendait sur une aire géographique extrêmement grande également. On a parlé de certains chiffres, puis on s'entend pas sur le nombre de dizaines de millions de bisons, mais il y a quelque chose qui est encore plus parlant, des témoignages qui nous parviennent du 18e siècle, qui en disent beaucoup sur... On a peine à imaginer aujourd'hui à quel point le bison est présent, à quel point le nombre de bisons qui vivent dans l'Ouest canadien et américain est impressionnant. Oui, c'est ça. Alors, on a des témoignages, par exemple, quand le train commence à rejoindre l'Ouest américain, en l'occurrence, au Kansas, à un moment donné, il y a un train qui est bloqué pendant 8 heures parce que il y a un troupeau de bisons qui traverse la voie ferrée, tout simplement. Alors, le train n'a pas d'autre choix que de s'arrêter. 8 heures. Et de laisser passer pendant 8 heures un troupeau de bisons. Et un autre cas où il y a un troupeau de train, cette fois, qui va comme, en quelque sorte, côtoyer un troupeau de bisons, et qui va longer le troupeau de bisons sur 120 000. Donc, le troupeau faisait 120 000 de long. C'était quelque chose qu'on a peine à imaginer aujourd'hui, qu'il puisse y avoir une telle concentration d'un animal, un tel cheptel, d'une telle grandeur. Et puis, vous l'avez évoqué déjà, évidemment, cette association très, très, très étroite, mais réelle, entre le bison des plaines et le mode de vie des Amérindiens. On écoute à ce sujet le témoignage d'Ernie Heavyrunner. C'est un aîné de la Nation des Pieds Noirs du Montana, extrait de l'émission La Semaine Verte, diffusée le 9 décembre 2016. I grew up and started hearing stories. J'ai grandi avec les histoires que les aînés nous racontaient de ces hommes qui chassaient le bison à dos de cheval. Ce précipice à bison est vieux de 9000 ans. Pretty close to 9000 years old. They'd bring the buffalo in and then the people would jump up a couple of miles. Ils chassaient les bisons vers le précipice en criant de tous les côtés pour les effrayer. Les animaux couraient à toute allure et tombaient dans le vide. Des hommes au pied de la falaise abattaient des animaux qui survivaient à la chute. Les cornes servaient de cuillère, les sabots étaient bouillis pour faire de la colle. Avec la peau, on faisait des couvertures, des vêtements et des mocassins. Rien n'était gaspillé. Les pieds noirs et les bisons étaient indissociables. The Indian and the buffalo belong together. Ce sont donc les Amérindiens, on l'entend dans cet extrait, Frédéric Bastien, qui d'abord chassent le bison, puis on entend aussi que c'est très important pour eux. Qu'est-ce que représente pour les Amérindiens le bison? Quelle importance il a concrètement dans leur mode de vie? Je pense que pour les Amérindiens des plaines, le bison représente tout, leur survie, leur mode de vie, tout tourne autour du bison, donc comme l'extrait le montre bien. Et c'était un groupe, une population, les Amérindiens de l'Ouest, qui avaient accès à cette source de nourriture absolument incroyable. Je ne crois pas qu'il y ait d'équivalent dans l'histoire humaine. Alors, c'est un groupe qui n'a pas connu d'aucune façon la famine, puisqu'ils étaient relativement peu nombreux et cette population de bisons était tellement grande, était tellement abondante, relativement facile à chasser, que c'était parmi les populations humaines jusqu'au milieu du 19e siècle les mieux nourries. Les archéologues, quand ils découvrent des ossements, font des examens et en sont venus à la conclusion qu'ils étaient, par exemple, plus grands que les populations européennes jusqu'encore là, jusqu'au milieu du 19e siècle. Donc, le bison était pour eux une bénédiction, vraiment une bénédiction. Et les Amérindiens, sauf exception, parce qu'il y a... Il y a eu aussi du gaspillage, de la chasse par les Amérindiens où on ne prend qu'une partie du bison, mais généralement, non. Les Amérindiens récupèrent tout ou à peu près du bison. Oui, les Amérindiens pratiquent une chasse de subsistance. Ils ne sont pas, avant l'arrivée des Blancs, ils ne sont pas dans la chasse commerciale. Donc, il s'agit simplement pour eux de se nourrir et ils utilisent tout dans le bison, comme c'était très bien expliqué dans l'extrait qu'on a entendu. Et donc, ils... Vêtements, combustibles. Oui, c'est ça. Ils utilisent la bouse de bison pour se chauffer, puis ils peuvent la faire brûler. Et donc, ils ne commercent pas le bison. Ils n'ont pas un intérêt, un incitatif à le chasser autre que pour leurs besoins de nourriture, ce qui est relativement facile pour eux, même si avant l'arrivée du cheval, c'était quand même un peu plus compliqué de chasser le bison pour eux, un peu plus difficile. Mais l'arrivée du cheval va leur permettre de chasser le bison plus facilement, les chevaux étant amenés par les Européens dans le continent américain. Mais jusqu'aux Européens, donc, on pourrait dire que les Indiens se contentent de peu en ce qui concerne la chasse au bison. Pas encore de surchasse, non, soyons clairs, à ce moment-là. Mais effectivement, l'arrivée des Européens, l'arrivée de l'homme blanc, du cheval et du fusil va tout changer. L'ère des grandes tueries a commencé sous le signe du cheval, qui est un signe d'abondance. On tirera parti de tout. Ou bien on laissera pourrir le tout, on n'arrachera que la peau. C'est une habitude qui se répand déjà, semble-t-il. Peut-être à cause des nouveaux venus, les marchands, désirés d'acquérir ainsi de grandes quantités de peau. Mais auparavant, il y aura eu les trappeurs français et les démarcheurs de la compagnie de la baie d'Hudson qui, sur place, vont offrir un moyen d'accroître le rendement de la chasse. Le fusil. Au 19e siècle, une vive concurrence. Des chasseurs venus de partout se mêlent aux Indiens engagés par la compagnie de la baie d'Hudson et aux premiers colons. On tue pour le plaisir. Un chasseur se vante d'avoir tué 120 bisons en 40 minutes. C'est la mort des troupeaux. Quand et dans quelles circonstances, Frédéric Bastien, commence cette surchasse du bison avec l'arrivée de l'homme blanc, le fusil, le cheval? Ben, disons que la chasse commence à augmenter dès l'arrivée des Blancs qui vont se servir des Amérindiens comme intermédiaires pour récolter des peaux. Et l'homme blanc, donc dans le cas du Canada, les Européens s'installent sous le régime britannique au Manitoba en particulier. Il commence à y avoir au 19e siècle une petite colonie blanche au Manitoba. Et les Indiens vont vendre de la viande de bison pour nourrir les colons. Et évidemment, les Indiens ramènent également des peaux. Mais tous ces gens qui gravitent autour du commerce des peaux doivent être nourris. Et évidemment, la source de nourriture, c'est le bison en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie. Et donc, déjà, le bison disparaît de l'est des plaines. Et c'est la même chose qui se passe aux États-Unis pour des raisons peut-être pas exactement identiques, mais le bison disparaît de l'est des plaines. Et ensuite, dans la deuxième moitié du 19e siècle, c'est là où les choses vont vraiment s'accélérer et basculer, si je puis dire. D'abord, dans les années 1870, on invente un nouveau processus pour tanner les peaux de bison. Oui. Et la peau de bison devient beaucoup plus profitable. Et la valeur des prix de peau de bison sur le marché va tripler avec l'invention de ce nouveau processus. Alors évidemment, là, c'est la cupidité, si vous voulez, ou le désir de faire du profit qui va amener évidemment beaucoup de chasseurs dans l'Ouest, tant au Canada qu'aux États-Unis, mais peut-être encore plus aux États-Unis, qui vont chasser le bison pour faire le commerce des peaux. Mm-hmm. Et il y a des nouveaux fusils qui arrivent plus performants et par conséquent, tout d'un coup, il y a un afflux assez grand de chasseurs dans l'Ouest américain et ensuite dans l'Ouest canadien, qui fait que là, vraiment, les troupeaux de bisons commencent vraiment à dépérir à vitesse grand V. L'espèce de champion chasseur professionnel du bison, il y en a qui vont s'illustrer, il y en a à qui on pense tout de suite, par exemple, à un Buffalo Bill, qui vont se vanter de... puis il y en aura d'autres, de tuer des dizaines de bisons en quelques heures ou ce genre de truc. Oui, effectivement, Buffalo Bill va être un de ceux qui va pratiquer le bison, mais de façon sportive. La plupart des chasseurs de bison s'installent avec des fusils assez performants et tuent les bisons d'une certaine distance. Alors, c'est très facile. C'est comme... Il y en a tellement. Il y en a tellement, c'est plus facile que faire du tir au pigeon. Mais Buffalo Bill, lui, ce qui va le distinguer, cet aventurier de l'Ouest, c'est que lui chassait le bison à la manière des Amérindiens, c'est-à-dire en galopant sur son cheval au milieu des troupeaux de bisons, comme le faisaient les Indiens, et donc d'une façon beaucoup plus, si je peux dire, noble. Et la fameuse chasse au bison dans le film « Il danse avec les loups », où on voit Kevin Costner qui chasse le bison. Alors, c'était de cette façon-là que Buffalo Bill chassait le bison. Et Buffalo Bill, d'ailleurs, ensuite va partir un cirque qui va faire sa renommée, sa fortune, va avoir des remords vers, disons, la deuxième moitié de son existence et va devenir un des défendeurs du bison et va vouloir qu'on sauve l'espèce de l'extermination. Il va regretter que cette chasse ait pris autant d'ampleur et qu'on se mette à massacrer le bison de façon tout à fait sans aucune limite ni restriction. Ouais. Il y a un mouvement, il y a une folie, au fond, dans cette affaire-là. Il y a beaucoup de bisons, il y a une très, très grande demande pour les peaux, la tannerie se développe. Et puis, au-delà de ça, il y a le chemin de fer aussi, qui va être un adversaire, un ennemi, qui va devenir un ennemi du bison. Mais il y a vraiment cette espèce de mouvement où un peu tout le monde se met à chasser le bison. Et là, ça donne des scènes complètement surréalistes dans des trains, où c'est presque de la chasse touristique. Là. Les gens qui sont dans le train, Frédéric Bastien, le train marche, roule, et on se met à tirer du bison à travers la fenêtre. Oui, oui, absolument. Il y avait toutes sortes de chasses qui étaient organisées. Parmi les exemples célèbres qui a été, entre autres, immortalisé dans un épisode de Lucky Luke, il y a le grand-duc Alexis de Russie qui va vouloir venir faire la chasse aux bisons. Donc exotique. Oui, voilà, les autorités américaines vont lui organiser une espèce de safari. On va le mettre avec des officiers prestigieux de l'armée américaine, notamment le fameux Custer du 7e de cavalerie, George Armstrong Custer, qui va accompagner le duc dans sa chasse aux bisons. Et donc, les scènes que vous évoquez également, tout le monde vient chasser son bison. Enfin, les dames de la bonne société. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens se mettent à ce sport. Et comme il y a beaucoup de bisons, ben, ça pose pas trop de problèmes. On n'a pas trop conscience du désastre qui pointe à l'horizon. Oui. Parler de l'armée américaine, c'est intéressant parce qu'il y a un autre phénomène. Au-delà de la chasse pour les peaux, pour le commerce, il y a un autre phénomène au-delà de la mode dont on vient de parler, de la chasse aux bisons. Il y a un phénomène plus purement politique. La chasse aux bisons devient presque une manière d'arme de guerre. L'armée américaine, donc, en débat avec les Amérindiens de l'Ouest américain, on s'attaque aux bisons pour s'attaquer indirectement aux Amérindiens, à la survie des Amérindiens. Oui, absolument. Alors, l'armée américaine, après la guerre de sécession, sa mission, c'est de pacifier l'Ouest pour ouvrir l'Ouest à la colonisation. Or, les territoires de l'Ouest sont immenses. L'armée américaine a été réduite à presque sa plus simple expression après la guerre civile américaine. Et les unités de la cavalerie américaine sont incapables d'affronter les Amérindiens dans des batailles classiques parce que les Amérindiens ne livrent pas des batailles classiques. Les Amérindiens fuient, organisent des guet-apens, se livrent à une guerre de guérilla dans un vaste territoire. Ils sont très, très mobiles. Et l'armée américaine n'arrive tout simplement pas à les coincer. Et l'idée qui émerge du commandement américain, c'est qu'en détruisant les bisons, ils vont forcer les Amérindiens à la reddition. Les Amérindiens vont être obligés d'accepter d'aller vivre dans des réserves que leur prévoit le gouvernement américain. Et donc, il y a cette idée qu'en encourageant la chasse, qu'en détruisant les hordes de bisons, on va ouvrir l'Ouest à l'agriculture et notamment on va pouvoir amener des bovins, on va pouvoir coloniser l'Ouest et les Indiens vont arrêter d'être les empêcheurs de coloniser l'Ouest. On aura exterminé leurs bisons et ne pourront plus vivre, survivre, ils n'auront plus d'autre choix que de se soumettre. Et le gouvernement canadien va autrement, mais utiliser le même argument de cette menace de la disparition des bisons. On va invoquer cet argument dans la négociation du gouvernement canadien avec les Amérindiens. Oui, au Canada, c'est quand même un peu différent dans le sens où aux États-Unis, il y a un plan concerté pour exterminer le bison, qui va plus ou moins réussir, mais c'est surtout avec la part des chasseurs, l'appât du gain, que là, des milliers de chasseurs vont arriver. L'armée américaine, à elle-même, au départ, n'était pas capable de réaliser ce plan. Au Canada, il n'y a pas une action concertée du gouvernement de dire « on va exterminer le bison et les Indiens n'auront d'autre choix que de se soumettre ». Mais les circonstances sont les mêmes au Canada. Les chasseurs arrivent, on veut faire de l'argent, les nouvelles armes plus performantes, donc la chasse abondante, etc. Et le gouvernement fédéral va profiter des circonstances. Il ne les a pas cherchées, mais il voit bien qu'il y a de moins en moins de bisons. Beaucoup d'Amérindiens voient eux aussi que la fin du bison approche et tentent de négocier avec Ottawa des traités. Certaines tribus vont accepter d'aller vivre dans des réserves en échange de promesses d'avoir de la nourriture si la nourriture vient à manquer, en échange d'aide médicale, etc. Mais le gouvernement canadien profite de ces circonstances pour forcer la main aux dernières tribus dans la deuxième moitié du 19e siècle, pour leur dire, ben regardez, là, il n'y a plus de bison, vous n'avez plus le choix, donc venez vous asseoir à la table, puis venez négocier avec nous. Ouais. Vers 1880, de fait, il en reste à peu près plus de bisons. On va quand même réussir à éviter l'extinction complète, puisque au début du 20e siècle, il y aura comme un petit retour, mais il y aura un retour du bison. Comment on réussit ce coup-là, Frédéric Bastien? Oui, on réussit ce coup-là de façon un peu, c'est ce que je peux dire, inattendue. C'est le secteur privé qui a contribué à la fin du bison, les chasseurs, mais c'est aussi le secteur privé qui va sauver le bison. Ce ne sera pas au départ les gouvernements. Beaucoup de gens, avant la fin du bison sauvage, pressent le gouvernement d'intervenir. Les gouvernements ne font rien. Et il y a des éleveurs privés qui vont capturer des bisons. Par exemple, dans le coin de l'Oklahoma, il y a des éleveurs, et dans d'autres endroits aux États-Unis, pas au Canada par contre, mais aux États-Unis, des éleveurs privés capturent des bisons, décident d'en faire l'élevage. Et par exemple, il y a des bisons capturés en Oklahoma qui vont être vendus au jardin zoologique de New York. Là, on parle de ça vers les années 1870, ouais, avant la disparition du bison dans le coin de l'Oklahoma. Et deux ou trois décennies plus tard, le gouvernement américain va ouvrir une réserve dans le coin de la rivière Ouachita. Et le zoo de New York va donner des bisons qu'ils avaient achetés d'éleveurs privés. Donc, ces bisons vont en quelque sorte retourner dans le lieu de leur pâturage. Donc, les gouvernements vont faire affaire avec ces éleveurs, ouais, privés de bisons pour réintroduire le bison dans certaines zones protégées. Ouais, même chose pour le Canada. Au Montana, il y a des éleveurs qui vendront, pour pas mal d'argent d'ailleurs, de mémoire, c'est 200 000 $ pour quelques centaines de bisons qui seront envoyés au Canada. Puis c'est comme ça que le bison reviendra chez nous. Des silhouettes trapues réapparaissent dans leur décor d'origine. C'est le retour du roi des animaux d'Amérique, du plus gros mammifère terrestre du continent. J'avais une ferme laitière et puis je savais que je voulais pas traire les vaches le restant de mes jours. Ça faisait un petit bout de temps que je le faisais. Et puis je voulais continuer à être fermier. Alors je voulais me trouver de quoi de différent. Ils sont désormais 1500 éleveurs de bisons au pays. C'est deux fois plus qu'il y a 4 ans. Ils le deviennent surtout parce que c'est payant. La viande de bison vaut deux fois plus cher que celle du bœuf parce qu'elle contient davantage de protéines et très peu de gras. Les chefs l'adoptent de plus en plus, leurs clients aussi. It's getting to be quite popular. Les gens en redemandent parce que sa chair est plus fine, plus savoureuse que celle du bœuf. Extrait d'un reportage de Marc Godbout présenté au Téléjournal en décembre 2000. Aujourd'hui, Frédéric Bastien, des éleveurs, 1500 éleveurs en 2000, nous dit Marc Godbout dans ce reportage, mais plus largement, il en reste quoi du bison chez nous ou sur le continent? Oui, et donc il y a beaucoup d'éleveurs de bisons, ce qui fait en sorte qu'on estime environ 300 000 bisons aujourd'hui qui sont essentiellement des bisons d'élevage. Donc, ce commerce de viande de bison, comme vous le mentionnez, comme on vient de l'entendre, qui est assez prospère et qui continue de se développer aujourd'hui. Et par ailleurs, il reste quand même quelques populations de bisons sauvages dans des parcs naturels. Au Canada, comme vous l'avez mentionné, donc le bison a été réintroduit au début du 20e siècle et on a répété ces opérations de réintroduction du bison dans différents endroits. Et il reste environ 30 000 bisons sauvages qui vivent dans un certain nombre d'endroits au Canada et aux États-Unis dans des zones protégées. Frédéric Bastien, professeur d'histoire au Collège Dawson, merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.